Chapitre 10e. Au matin, un soleil radieux, chaud, excitant, jetait le renouveau dans le jardin des loisirs. En face du perron, une pelouse s'étendait, verdoyante, d'un gazon nouveau, aux teintes claires et jeunes. Dans les massifs qui s'arrondissaient aux quatre coins, le jardinier avait planté à l'aube 200 géraniums qui, sur le velours de leurs feuilles, piquaient les petites taches pourpres de leurs premières fleurs. Un sapin se dressait à quelques pas, avec ses aigrettes d'un vert pâle, tranchant en houppe sur la frondaison noirâtre de l'hiver, tandis que des bourgeons des marronniers, dont les coques vernissées éclataient, les feuilles jaillissaient fraîches et vivantes. Il était environ 10 heures. Loisy s'était éveillé mal à l'aise, la bouche empâtée, les membres mous, les jambes fléchissantes. Mais Abel l'avait raisonné, un si beau soleil. C'était le printemps, tout le printemps avec ses résurrections. Il fallait avoir de l'énergie. C'était de la force en rayon qu'il remettrait, qui commencerait la guérison définitive. Abel avait appelé sa mère à son aide. N'était-il pas vrai qu'une promenade au jardin lui ferait du bien? Et la mère avait joint ses exhortations à celles du fils. Loisy avait fini par sourire comme s'il comprenait. Il s'était laissé habiller, pesant de tout son poids sur le jeune homme qui l'encourageait en maintenant son équilibre. La marche était encore plus difficile que de coutume. Les membres fléchissaient, les plantes cotonneuses s'appuyaient mal sur le sol. Abel avait dit à sa mère de placer dans le jardin, au soleil, la grande bergère, au siège et aux appuis bien rembourrés. Elle avait obéi. Et maintenant Loisy était là, étendu, les jambes allongées sur une chaise, bien enveloppée, dans l'air pur et sain, sous la lumière vibrante, et en tabelle à ses pieds, assis sur un tabouret, Abel, qui lui parlait, le berçant de sa voix comme un enfant. Madame Loisy était rentrée dans la maison et de l'intérieur, par les carreaux de la fenêtre, elle regardait le groupe. Les horreurs de la nuit avaient laissé à ses tempes des plis profonds, à sa bouche une contraction désespérée. Au matin, elle avait dû cacher sous sa coiffe des mèches blanches qui la veille n'étaient pas visibles. Mais rien dans son attitude, rien dans le son de sa voix ne trahissait la torturée. Elle enveloppait de son regard aimant Loisy qui se réchauffait sous ce double baiser du soleil et de la femme dévouée. Et de ce regard, Abel volait sa part, sans qu'elle y prît garde, absorbée tout entière en son mari, qui avait besoin de son fils. Le long de la haie, elle vit passer deux hommes qui venaient vers la maison. C'étaient M. Berthemont et le curé Lambequin. Elle les reconnut tout de suite, et tout de suite, aussi un pressentiment lui étreignit le cœur. Pourquoi venaient-ils à cette heure, et tous deux? Abel, indolent, n'avait même pas tourné la tête, là plus qu'à l'ordinaire de cette crise de la nuit, dont il avait à peine conscience. Madame Loisy, bien vite, était allée au-devant d'eux et avait atteint la porte en même temps qu'eux. Cette femme, si naïve d'ordinaire, avait l'intellect affiné par la souffrance. Rien qu'à les regarder, et bien qu'ils cherchassent à dissimuler leurs préoccupations, elle devina que leur visite avait un but grave. Elle surprit le regard qui se détournait d'elle pour chercher Abel, et comme il faisait mine de se diriger du côté de Loisy, « Venez, leur dit-elle, et elle les entraîna dans la maison. » De fait, la situation des deux hommes était des plus pénibles. Pouvait-il dire à cette mère que son fils Abel était un fratricide? Pouvait-il lui révéler en face ce secret qui pouvait la tuer? Ils avaient beaucoup causé le matin encore. Pour un peu, ils eussent renoncé à la douloureuse mission qu'ils s'étaient imposée. Le curé était même allé trouver de nouveau Thomas, mais le vieux serviteur l'avait évité, assez ostensiblement pour qu'il ne pût se méprendre sur ses intentions. Donc sa rancune ne pardonnait pas. Donc il maintenait son ultimatum. Le danger d'une révélation plus terrible, plus saisissante, par quelque échauffourée de village qui ajouterait le péril d'une exécution, devait leur enlever toute hésitation dernière. Ils étaient venus, et maintenant, l'un comme l'autre, M. Berthemont, qui avait expérimenté la vie, et en avait supporté la lourdeur, l'abbé, qui avait deviné le monde à travers les grisailles de l'existence ecclésiastique, se sentait intimidé, presque tremblant, devant cette pauvre femme dont le cœur saignait, percé lui aussi des 7 glaives de la légende. Elle les avait introduits dans la grande salle, empressés, approchant les sièges, s'efforçant de paraître à l'aise. Elle se tenait debout devant eux, attendant, et nul ne parlait. L'abbé reprit courage le premier. « Chère Madame Loisy, dit-il, vous savez quelle amitié véritable nous avons pour vous et pour Monsieur Loisy. Il n'a fallu rien moins que toute notre affection pour nous décider à la démarche que... » Il s'embrouillait, il était gêné. Madame Loisy s'assit à son tour, comme pour diminuer leur embarras. Cette phrase avait suffi. Elle savait qu'on allait lui parler d'Abel. Elle était prête, s'étant armée de toutes ses souffrances, de toutes ses terreurs, pour s'en faire une cuirasse. « Je vous écoute, » dit-elle. « Voici, en deux mots, » reprit M. Berthemont, qui venait de concevoir subitement tout un plan de campagne, « je viens vous proposer une situation inespérée pour votre fils Abel. » Il avait légèrement hésité sur les derniers mots. Madame Loisy saisissait tous ces détails. « Une situation, » fit-elle, « je ne vous comprends pas. » Abel aura bientôt 20 ans. Il devient nécessaire de se préoccuper de son avenir. Il n'est pas robuste et il est important qu'il n'ait pas à souffrir du combat de la vie. Un de mes anciens collègues, un notaire de Paris, m'a écrit, me demandant si je ne connaîtrais pas un jeune homme appartenant à une famille honnête qui pourrait prendre auprès de lui une place, non de clerc, mais de secrétaire, d'employé de confiance, qui serait plutôt un ami et un protégé pour lui. Non seulement au début les appointements seraient suffisants, mais de plus, mon confrère s'engage à mettre ce jeune homme, en quelques années, au courant de ses affaires. Bref, c'est une véritable trouvaille, et je n'ai pas hésité à venir vous en parler, certain que vous saisiriez cette occasion tout à fait unique. » Madame Loisy avait écouté attentivement. Un instant, elle avait été tentée de croire à la véracité de ce prétexte. Mais des nuances insaisissables, que son cœur devinait avec une sorte de préscience, avaient bien vite écarté cette idée. M. Berthemont ne disait pas la vérité. Comme elle réfléchissait, l'abbé intervint, ravi du biais qu'il trouvait fort habile. « Vous comprenez, chère Madame Loisy, comment, ayant rencontré M. Berthemont, qui vous apportait cette bonne nouvelle, j'ai désiré venir avec lui. « Mes chers amis, » dit doucement Madame Loisy, dont la voix, un peu affaiblie, avait cependant retrouvé toute sa clarté, « je vous remercie vivement de l'intérêt que vous nous portez. » Et je suis particulièrement touché de l'affection que vous témoignez à mon fils. Mais je crois que, ici, vous oubliez un peu le père. Non, madame, reprit M. Berthemont, je sais, nous savons tous, quel est le dévouement d'Abel pour M. Loisy. Nous savons aussi que M. Loisy éprouvera quelques difficultés à se séparer d'Abel. Mais l'intérêt de votre fils vous oblige, vous, en mère prudente, à ne point sacrifier son avenir. « Songez que mon offre concilie à la fois et les intérêts d'Abel et les ménagements qu'exige sa santé. Voyons, Madame Loisy, il vous faut prendre une décision et rapide. Mon confrère désire que sous 3 jours mon protégé, si toutefois j'en ai quelqu'un, soit rendu auprès de lui. »« 3 jours ? » fit Madame Loisy. « Le délai est un peu court. D'ailleurs, dans 3 jours, comme aujourd'hui, je vous répondrai, par égoïsme conjugal, si vous voulez, mais avec la certitude de faire mon devoir, qu'Abel ne peut quitter son père. Mais, Madame Loisy, je vous en prie. » Elle continua, sa voix se sombrait de larmes refoulées. « Je vous le répète, c'est de l'égoïsme. Mais la santé, la vie de M. Loisy sont pour moi la compagne de sa vie, dans le bonheur comme dans le malheur, les premiers de tous les intérêts. M. Loisy ne peut pas se passer de son fils. Tout ce qu'il reste de force s'est concentré en lui. Abel est son bâton de vieillesse. Sans lui, il tomberait, et je ne veux pas qu'il tombe. » Et en vérité, là était toute la raison du sublime héroïsme de cette mère, qui savait que son fils était un assassin, qui, à le regarder, subissait tous les affres de l'épouvante et du désespoir, et qui, ce matin, avait penché son front vers le baiser d'Abel, qui lui avait souri, qui lui avait parlé, qu'elle avait écouté, comme si dans sa voix elle ne discernait pas l'épouvantable écho de l'aveu de la nuit. Georges assassiné, Abel fratricide, tout pour elle disparaissait dans cette ineffable pensée qu'elle ne devait pas, fût-ce au prix de tortures suprêmes, au prix d'une hypocrisie, car elle aussi se faisait superbement hypocrite, causer une douleur à celui qu'elle aimait plus que tout au monde, plus que ses enfants. « Ainsi vous refusez ? » demanda M. Berthemont interdit. « Ne vous blessez pas. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur. J'apprécie tout ce qu'il y a de bonté, de délicatesse dans votre démarche, mais je ne suis pas, je ne dois pas accepter. » L'insuccès était complet, et le danger restait tout entier. « Madame Loisy, » dit M. Berthemont, « pardonnez-moi si j'insiste très sérieusement. En vous faisant cette proposition, j'avais en vue non seulement l'avenir d'Abel, mais encore l'intérêt du présent. La pauvre femme sentit comme une main lui prendre le cœur. « Du présent, » fit-elle. « Il se passe ici, près de vous, » accentua résolument M. Berthemont, « des faits graves, et dont vous n'avez pas la plus légère idée. Sans que nous ayons à rechercher les causes de cet état, votre fils Abel est détesté, haï par les habitants de Longpré. Des menaces ont été proférées, des avis amicaux nous ont été donnés, et j'aurais peur, oui, j'aurais peur en vérité, que s'il restait plus longtemps ici, il lui arriva quelque accident comme à son frère. » Les yeux à demi fermés, Madame Loisy écoutait. Maintenant l'allusion était claire. Elle ne doutait plus. Ce secret qu'elle enfermait dans son cœur comme dans une tombe, elle n'était pas seule à le connaître. Était-ce donc que quelqu'un avait entendu, comme elle, l'aveu sinistre sortir des lèvres d'Abel, ou bien n'était-ce que des soupçons, des préventions ? « Je ne puis vous comprendre, » reprit-elle. « Mon fils ne sort pas d'ici. Il ne peut avoir fait de mal à personne, si quelque habitant de la ville le est, ce qui ne s'explique point, à moins que vous me cachiez quelque chose. C'est à moi de le défendre. Viendrait-on chez moi le menacer, le frapper ?» M. Berthemont secoua la tête, n'osant répondre par une négation. Le curé, plus affirmatif, disait « Qui sait, Madame Loisy, à votre place, je n'exposerai pas Abel à ce danger très réel. » Elle les regarda tous deux comme pour sonder une dernière fois leur amitié. Sur ces physionomies si différentes et cependant identiques dans leur honnêteté, elle eut l'embarras navré qui se traduisait en réticence voulue. Elle devina l'angoisse de ses probités, contrainte au mensonge, et tout à coup, regardant elle aussi le péril en face, « Vous savez quelque chose de plus ?» leur dit-elle. « Je veux toute la vérité. »« Laissez-nous parler seul à votre fils Abel, nous lui expliquerons tout. À quoi bon ? Je suis sa mère. » Et si quelque péril menace mon fils, c'est moi, la première, que cela touche. Voyons, je vous en supplie, ajouta-t-elle, s'abandonnant enfin, vaincue à l'émotion qui la poignait. Dites-moi la vérité, que savez-vous ? La formule biblique vint en aide à l'abbé. Nous savons, nous croyons, que la main de Dieu s'est retirée de votre fils Abel, et qu'il est coupable devant le Seigneur. Madame Loisy étouffa un cri, tournant vivement la tête vers la fenêtre. Loisy était toujours à la même place, son fils auprès de lui. D'un geste que la maternité souffrante rendait majestueux et sublime, elle montra aux deux hommes celui qu'elle défendait. « Je ne puis tuer mon mari, » dit-elle. « Mais M. Loisy ne mourra pas, » s'écria Berthemont. « Nous nous installerons auprès de lui. Ma fille remplacera Abel. Non, non, je sais ce que je dis, » pleura la pauvre femme. « Mon pauvre mari a des ténacités, des entêtements d'affection contre lesquels rien ne prévaudra. « C'est sa mort, vous dis-je, c'est sa mort !» Tout à coup, elle s'interrompit et relevant la tête. « N'est-ce pas que vous ne pouvez pas me dire le crime dont on accuse le frère de Georges ?»« Non, » répondit M. Berthemont, tressaillant. « Eh bien, je le sais, moi !»« Vous ?» Ils s'étaient levés tous deux, saisis d'une admiration respectueuse pour cette martyre de la maternité. Elle continua d'une voix sourde, à peine perceptible. « Je sais tout, oui, tout !» Et même ce que vous ignorez, ce que nul ne peut savoir excepté moi, ce que je souffre, ce qui pleure en moi, vous ne pouvez même pas vous le figurer. Et moi, la mère du mort, je me tais, pour lui, pour mon mari. Ah, que les autres aient donc pitié, et oublient, eux aussi, jusqu'au jour où le père n'aura plus besoin de son fils. Mais s'il ne dépendait que de nous, s'écria l'abbé, mais M. Berthemont vous a dit la vérité, des bruits courent dans le village, on parle de témoignages positifs de gens qui ont vu. « Eh bien, dites-moi leur nom, j'irai moi les prier, les supplier à deux genoux. Pourquoi veulent-ils venger plus tôt qu'il ne faut ? Que leur importe d'attendre quelques mois, quelques semaines peut-être ? Mon Dieu, mais pour venger mon fils, qu'il ne tue pas mon mari ! Je leur demanderai un répit, une trêve. Et puis, quand le père ne sera plus là, car hélas, je le vois mourir, moi, mourir tous les jours, lentement, sûrement, eh bien... L'autre, le coupable, disparaîtra, fuira loin, si loin qu'on ne saura même plus jamais s'il est vivant. Mais qu'on me fasse la grâce de ce douloureux délai. Je vous en prie, je vous en prie. » Ils étaient tous trois auprès de la fenêtre, regardant toujours Loisy et son fils. Tout à coup, le fauteuil du malade bascula violemment, et Loisy tomba sur le côté, ployé en deux. Madame Loisy poussa un cri effrayant et s'élança au dehors. Abel s'était dressé sur ses pieds et avait bondi sur son père qui l'avait saisi dans ses deux bras. Madame Loisy accourait, suivie de M. Berthemont et du curé. D'un mouvement instinctif, brutal, elle arracha les bras d'Abel du corps de son père et le repoussa rudement. Elle s'agenouilla sur le sable, relevant de ses deux mains la pauvre tête ballante. « Mort, mort » cria-t-elle. « Non, je ne veux pas. Le médecin, le médecin !»« Mort ?» fit Abel à son tour. « C'est impossible !» Et encore une fois, il s'approcha pour aider sa mère, qui s'efforçait en vain de relever le malheureux. Mais M. Berthemont l'avait prévenu et avait emporté le cadavre dans la maison. L'abbé était déjà sorti pour aller chercher le docteur. L'oisif fut étendu sur le lit, mais le doute était impossible. La bouche, tordue effroyablement, laissait échapper une écume blanchâtre. C'était l'apoplexie définitive, foudroyante. Madame Loisy, ayant passé son bras sous les épaules de son mari, le regardait avec des yeux de folle, convaincue et pourtant incrédule. Soudain, de l'autre côté du lit, elle aperçut Abel, debout, épouvantée de cette mort qui brisait sa vie. Elle se redressa et, levant le bras, elle eut instinctivement le geste de la malédiction. Il ne bougea pas, ne comprit pas ou ne voulut pas comprendre. Sa mère se tut et son bras retomba.